Y'a pas de puto, non, y'a pas de puto. Y'a pas de puto, non, y'a pas de puto. Et on te froisse si tu sois un couteau. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, papa, la. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, la, la, la. Bip, papa, la, papa, la. Mais je fais bouger la zine. Je vais loin quand j'imagine. On m'appelle Ovni la machine. Avec les poteaux loin des vols. Des fois on boit un peu d'alcool. Je vois pas mon buzz, c'est drôle. Et les fans ils s'affolent. Tu veux savoir mon avis? J'ai plus rien à faire ici. Je suis cramé même la nuit. Frérot j'ai même plus de vie. Mais si, bon, je me taille de la scie. Bon, je donne plus de nouvelles quand y'a trop de blesses, m'en roule aussi. Et merci Combini.